La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, chirurgie et alpinisme. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, deux jeunes alpinistes, Louis Lachenade et Lionel Terray, forment une cordée qui ne tardera pas à entrer dans la légende. Ces deux panthères des rochers, comme on les appelle, sont comme aspirés par le mouvement vertical des cimes, déployant une sorte de chorégraphie coordonnée qui intrigue majestueusement leurs adresses respectives au-dessus du vide. Le 9 août 1946, les muscles encore froids, ils s'élancent à l'assaut de l'éperon nord de la pointe Walker des Grandes Jorasses. Plus de 1000 mètres de surplomb, de dièdre, de dalle. Une sorte de donjon englacé, aujourd'hui strié par les ongles des alpinistes, mais qui à l'époque était quasiment vierge. Les difficultés qu'ils rencontrent sont terribles. Mais Lachenal a tant d'aisance qu'il donne presque partout l'impression de marcher à quatre pattes dans un univers renversé. Son enthousiasme à grimper incline la paroi verticale d'un angle presque droit. Pendant la nuit, un orage terrible stoppe la cordée et couvre la roche de verglas. Le jour suivant est une épopée. Sous les rafales d'un vent violent, les deux hommes parviennent à se hisser sur l'arête sommitale. Mais en bas dans la vallée, on commence à s'inquiéter. La seconde nuit se passe sans qu'on reçoive de nouvelles. Au petit matin, à Chamonix, le guide Jean Franco est déjà en train de préparer une expédition de secours quand le téléphone sonne. « Allô, c'est Lachenal. Ah, et Lionel, il est avec moi. Blessé, des gelures ? Non, rien. Où êtes-vous ? Au Mont-en-Vert. Vous avez descendu la face en rappel ? Non, nous revenons d'Italie par le col du Géant et la vallée Blanche. Nous sommes sortis de la face à 5h hier et nous avons passé la nuit à Entraves. Vous auriez pu téléphoner, tout le monde est fou d'inquiétude. Lionel ne se souvenait pas de son numéro de téléphone. Il ne l'a que depuis quelques jours. Moi, je ne me souvenais plus du numéro du collège. Alors on a choisi au hasard un numéro et c'est tombé sur le 50. On l'a composé. 4 heures d'attente, ça ne répondait pas. Normal, 50, c'est le numéro de Taon qui n'est pas à Chamonix en ce moment. Il fallait téléphoner à la poste, à la potinière, à l'école, n'importe où. On ne se souvenait de rien, te dis-je. Ça a été très dur, tu sais. Et on ne se souvenait de rien. En redescendant sur l'Italie, j'ai fait une chute de 20 mètres dans les barres rocheuses, à 1 mètre d'un vrai gouffre. J'étais sonné. On en avait tellement marre d'être suspendu au téléphone pour rien qu'on a pensé que ça irait plus vite en revenant à pied. Bonbon, je rassure les femmes et les camarades. Fin de la conversation. Tout n'est-il pas dit là ? Deux gars qui jugent, après plusieurs jours et nuits passés dans une face nord, qu'il est plus rapide, pour colporter des nouvelles fébrilement attendues, de rentrer à pied plutôt que de passer un coup de fil, cela vous connote une époque autant qu'un état d'esprit. L'alpinisme est à coup sûr une affaire d'engagement, de rapport direct, à main nue, avec la nature brute. Mais il y en a d'autres des affaires d'engagement, par exemple la chirurgie, qui se confronte quant à elle avec la réalité brute d'un corps à réparer. Dès qu'on l'évoque, ce rapprochement donne envie de converser autour du thème chirurgie-alpinisme. Mais comment faire ? Trouver une seule et même personne qui soit capable d'en parler ressemble a priori à une mission impossible. Mais en fait, non. Il suffit d'appeler Anne-Laure Bock. Bonjour, Anne-Laure Bock. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes alpiniste, amateur, dites-vous. Amateur, entièrement. Et également chirurgien au service de neurochirurgie du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière. Pas du tout amateur. Hein, la professionnelle, heureusement. Et vous avez écrit un livre magnifique qui s'intitule « L'euphorie des cimes ». Alors on va commencer par l'alpinisme et ensuite on verra comment ça s'intrigue avec la question de la chirurgie qui vous passionne. Comment s'est passée votre rencontre avec l'alpinisme ? Je crois qu'elle a été assez tardive. Finalement assez tardive. J'ai commencé, j'avais 24-25 ans et après avoir été à Chamonix pour faire du ski, j'ai simplement été foudroyée par la beauté de ce lieu. C'était la première fois que j'allais à Chamonix et j'ai discuté avec le guide qui nous emmenait à ski hors piste et il m'a conseillé de rentrer à proprement parler dans le massif en chaussant les crampons et en commençant l'alpinisme. Et c'est ainsi que petit à petit j'ai commencé à l'UCPA de manière banale comme beaucoup de monde et je suis venue à faire de plus en plus d'alpinisme. D'abord la montagne, l'escalade, le ski de randonnée, un peu tout ce qu'on fait en montagne. Bon, ça nous fait un point commun, mais est-ce que vous considérez que l'alpinisme c'est un sport ? en fait. C'est une activité physique, on est d'accord, mais est-ce que c'est un sport comme les autres ou est-ce c'est sans doute pas un sport comme les autres, mais c'est sans doute, je crois que c'est un petit peu prétentieux de dire que ce n'est pas un sport. C'est bien une activité physique avec beaucoup d'engagement physique, une technique à apprendre, un lieu de pratique. Donc je pense qu'on peut dire que c'est un sport. Et un sport comme les autres, non, parce que il n'y a pas le côté normalisé du lieu d'exercice qui permet d'avoir une normalisation de la performance. Et puis c'est un sport où on ne se confronte pas tellement et pas directement aux autres, il n'y a pas de compétition à proprement parler, ce qui fait une différence avec les sports spectacles, dirais-je, qu'on voit aujourd'hui. C'est sûrement pas la même chose que le football, en tout cas. Il n'y a pas d'arbitre non plus. Et il n'y a pas d'arbitre non plus. Il y a un arbitre, c'est la gravité. C'est vrai, mais disons comme il n'y a pas de compétition à proprement parler, puisqu'il n'y a pas de compétition, c'est ça qui fait la grande différence. Mais la compétition est autant avec soi-même qu'avec les autres, et surtout contre soi-même. Alors Sylvain Tesson, qui est écrivain et alpiniste, aime répéter que l'alpinisme est une manière de régler le problème de l'absurdité de la vie en lui opposant un comportement d'une absurdité supérieure. C'est une bonne définition. Sans doute qu'on pourra en reparler quand on parlera de la psychologie des alpinistes et des gens en général qui font des sports à risque. Sans doute la navigation en haute mer, les aventures dans la milieu naturel où on s'engage profondément, c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on est parti, on ne peut pas faire demi-tour simplement en disant « pouce, je veux que ça s'arrête, game over, je veux rentrer chez moi ». C'est une psychologie particulière et sans doute le bon mot de Sylvain Tesson vient de là. Mais en même temps, c'est tout sauf une activité absurde et ça demande tout sauf de l'absurdité pour survivre dans des milieux aussi hostiles. J'ai une définition plus concrète de l'alpinisme, Anne-Laure Bock. C'est celle que propose Cédric Sapin-Defour dans son petit livre « Qu'ignore l'alpinisme ». Voilà ce qu'il dit. « Cette pratique sportive et sociale consiste à partir d'un point bas, souvent confortable, pour gagner un autre point idéalement plus haut, plutôt blanc, habituellement plus froid à tendance hostile, mais jugé plus beau pour revenir au point bas un jour si possible, le tout via un itinéraire esthétique et si possible un poil merdique ». Oui, c'est exactement ça. Là, c'est vraiment la description d'une course. Partir, arriver et revenir. Parce que le retour est très important. D'ailleurs, vous savez sans doute que c'est dans la descente que surviennent beaucoup d'accidents. D'une part, à cause de la difficulté propre de la descente, qui ne doit pas être sous-estimée. Et aussi, peut-être, parce qu'on n'a plus tout à fait les mêmes capacités, à la fois physiques, mais aussi morales, par exemple, d'attention, d'excitation qui nous tient quand on monte. Et donc la descente est un lieu, un moment dangereux dans l'alpinisme. Alors qu'est-ce qui fait qu'on grimpe? Dans votre livre L'Euphorie des cimes, vous donnez quelques hypothèses et vous montrez qu'il y a beaucoup d'hypothèses fausses. Vous dites on ne pratique pas l'alpinisme pour regarder des paysages, la randonnée le permet très bien, pas non plus pour éprouver un plaisir physique, la souffrance n'est jamais loin, ce n'est pas non plus par masochisme ni par suite de tendances suicidaires qu'on va en montagne. Alors qu'est-ce qui reste? La première chose, c'est qu'on ne sait pas forcément très bien pourquoi on grimpe. Je pense qu'on rencontre cette activité et on se rend compte, au moment où on a eu ses premières expériences, qu'on est extraordinairement bien dans ce milieu. Donc c'est d'abord une découverte personnelle, je pense, chacun d'entre nous a eu cette découverte. Et on devient accro en quelque sorte à cette activité. Quand on a fini une course, même si on a eu des difficultés, souvent on pense déjà à la prochaine. Donc la première chose, c'est qu'on n'a pas forcément une expérience, une explication très claire pour soi. Il faudrait faire une sorte de psychanalyse pour le comprendre. Mais enfin, si on fait l'effort de réfléchir à ça, on voit quand même c'est une activité qui donne un sens effectivement à la vie, donne l'impression de vivre intensément, de vivre réellement, de retrouver une authenticité. Au moment où on est en montagne, on a l'impression d'avoir une adéquation par rapport à son être, de découvrir une évidence de ce qu'il faut faire. Probablement que cela rentre en relation avec, j'allais dire, nos gènes de chasseurs-cueilleurs, on pourra peut-être en reparler, nos gènes préhistoriques qui font qu'on a été sélectionné par la sélection naturelle pour mener une vie dure, rude, dangereuse, excitante. Et dans la vie moderne, toutes les qualités qu'il faut pour faire face à cette hostilité du milieu, ces qualités sont peu utilisées. Du coup, elles sont sans doute frustrées comme mal utilisées. Et c'est pour retrouver qu'on fait la montagne. Je pense que quand on va en montagne, ces qualités sont pleinement utilisées et donc on ressent une gratification énorme à cela. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire à Anne-Laure Bock que l'ivresse alpiniste est un mélange inextricable de fuite des autres et d'aboutissement de soi? Quand il y a trop de monde dans une voie, on n'est pas content. Quand il y a vraiment personne, on peut être aussi mal à l'aise. Oui, c'est exactement ça. Il y a toujours un équilibre. L'alpinisme est régulièrement une recherche d'équilibre. Alors, au propre, il est évident que quand on grimpe, on a besoin de beaucoup d'équilibre. C'est beaucoup l'escalade, notamment l'escalade rocheuse, c'est à 80% de l'équilibre. Il y a de la force, de l'endurance, de la souplesse, mais c'est d'abord trouver un équilibre qui n'est pas naturel puisqu'il est dans un milieu qui se rapproche de la verticale. Mais il y a aussi un équilibre, effectivement, au sens symbolique et au sens psychologique, entre le trop et le pas assez, une course trop difficile, ou au contraire une course sans intérêt, une course où il y a trop de monde, ou au contraire une course où il n'y a personne, où on se sent quand même tellement seul que ça en devient angoissant. Et ensuite, chacun a son point d'équilibre, qui est assez variable d'un alpiniste à l'autre, d'ailleurs. Avec des gens qui sont vraiment très très courageux et qui ont besoin d'être complètement seuls dans des conditions extrêmement difficiles. Au maximum, ça donne ceux qui font du solo, vous savez, les soloistes, qui sont réellement très effrayants. D'autres sont quand même un peu moins audacieux et ont besoin, par exemple, d'une camaraderie, celle qu'on trouve dans la cordée, et vont aussi chercher des courses qui sont un petit peu moins solitaires, un peu moins lointaines. Mais vous dites, il y a dans l'alpinisme un romantisme de la solitude. En tout cas, oui, même si, en vérité, beaucoup d'entre nous, et les amateurs que nous sommes, fuient une solitude vraiment complète, notamment parce qu'ils ne sont pas ça seuls, ça se fait avec un ou des camarades, la solitude est vue, quand on racontera nos aventures en tout cas, la solitude est mise en avant. Et je pense que aussi un des intérêts de l'alpinisme, dans notre société encore une fois, est de fuir une société de masse où la foule est omniprésente. Je pense que l'alpinisme, qui est un phénomène récent tout de même dans l'histoire de l'humanité, à la fois récent, ça date à peu près du XVIIIe siècle, si vous voulez. Comme la chirurgie. La chirurgie est un peu plus ancienne, mais c'est un premier point. En tout cas, le développement de la chirurgie, c'est la même époque, vous avez raison. Et aussi d'ailleurs, en termes spatiales, on ne fait pas de l'alpinisme partout, il y a beaucoup de civilisations qui ignorent complètement l'appel des cimes. Je pense quand même que l'alpinisme se détermine en réaction, en contrepoint à la situation moderne qui est la nôtre, et qui, je l'ai déjà dit, frustre pas mal de nos capacités. Et dans cette situation urbaine et moderne, la réalité que nous expérimentons chaque jour, c'est qu'on est très très très peu seul. Et une première raison pour aller en montagne, c'est quand même d'être un peu seul, voire beaucoup. Vous dites que le sentiment qui habite l'alpiniste n'est pas le sentiment du beau, mais celui du sublime. Il va falloir expliquer. Oui, alors ça je fais référence de façon assez simple à la classification qui avait été faite par Kant au XVIIIe siècle, où il sépare trois types de rapports esthétiques, le joli. Excusez-moi, mais je ne l'ai pas dit en vous présentant, vous avez un doctorat de philosophie. Oui, c'est un petit détail, mais c'est vrai que ça m'a aidé à réfléchir à ma pratique, que ce soit la chirurgie ou l'alpinisme. J'ai fait ce doctorat pour réfléchir à la chirurgie et ça s'est étendu sur d'autres domaines de ma vie. Donc, trois domaines, trois catégories, le joli, le beau, le sublime. Le joli est très très flatteur, le beau est encore assez flatteur pour l'homme, mais le sublime s'oppose. Il y a une dimension d'hostilité dans le sublime, et la contemplation du sublime donne dans l'âme un mélange d'admiration et d'horreur. Je pense que la randonnée, par exemple, permet de se confronter au beau, à la beauté du monde. La beauté du monde reste dans l'alpinisme. Bien sûr que le milieu dans lequel l'alpiniste évolue est beau, c'est bien le même que celui dans lequel évolue le randonneur, mais du fait des difficultés rencontrées, l'âme ressent non pas le beau mais le sublime, c'est-à-dire que en même temps qu'on admire, on tremble un peu d'effroi. Vous allez même plus loin, vous dites qu'on le veuille ou non, la montagne a partie liée avec le sacré. Je vous cite, « Le simple fait de gravir les cimes suscite en nous des émotions qu'il ne faut pas craindre d'appeler religieuses, balançant entre exaltation et crainte de la profanation, entre totem et tabou, nous redécouvrons l'émoi de l'appel transcendant. » C'est des mots assez forts. Oui, mais ce qu'on ressent en montagne, ce sont des émotions très fortes. On ressent vraiment quelque chose d'autre que ce qu'on a en plaine. Et alors peut-être que ça a des raisons neuropsychologiques. Après tout, je suis un peu neurologue, donc je peux avoir quelques idées des sciences cognitives. Et il est certain que une activité aussi dure et intense que l'alpinisme, qui en plus dure des heures et des heures, où on boit très peu, on mange quasiment pas, entraîne une forte réponse hormonale, notamment ce qu'on appelle des hormones de stress. Et ces hormones de stress ont des effets psychologiques, neuropsychologiques, et notamment l'exaltation. Donc il y a une partie d'exaltation, sans aller jusqu'à dire qu'on est halluciné. Je pense qu'une partie de notre exaltation vient d'une réponse physiologique à la dureté de l'expérience. Et en même temps, c'est quelque chose d'extraordinairement agréable. Il y a un côté drogue, en quelque sorte, dans la décharge de ces hormones. Parce qu'il y a une compétition entre l'adrénaline et les endorphines, par exemple. Oui, je pense que l'un et l'autre fait un mélange qui est assez explosif. Et peut-être que ça explique pourquoi, malgré les difficultés, on a envie de revenir. Il se peut qu'on ait une espèce de dépendance à ces drogues endogènes. Et d'ailleurs, il y a des études assez étranges qui sont faites sur les familles. Des familles dans lesquelles il y a de nombreuses personnes qui font des sports intenses comme l'alpinisme, comme des sports à risque plutôt, du sport automobile, de la navigation en haute mer, que sais-je. Il y a des familles ou des pédigrés, comme on dit, où il y a beaucoup de gens. Les gens qui sont comme ça sont surreprésentés, si vous voulez. Eh bien, dans ces familles, il y a aussi surreprésentés des tentatives de suicide, des dépressions, des toxicomanes, des alcooliques. Comme si c'était des gens qui avaient besoin, pour se sentir vivre, d'une espèce de drogue, qu'elle soit provoquée par une activité hyper intense, ou si ce n'est pas le cas, si les gens n'ont pas eu la chance de découvrir l'alpinisme, ils sont obligés de rechercher un autre stimulant, un peu plus destructeur sur le plan social peut-être. Ça veut dire que l'alpinisme c'est une sorte de médicament presque. Peut-être. Alors vous écrivez, il faut être revenu de beaucoup de choses, avoir épuisé beaucoup de plaisirs pour goûter les délices de la fatigue, du froid, de la peur, de la souffrance. Mais c'est à ce prix seulement que l'homme à l'âme terne, rassasié de bien-être et de sécurité, peut se sentir à nouveau exister. Par cette violence infligée à son corps, il vit enfin et oublie le doute misérable, ce doute qui le saisit en pleine, alors qu'il jouit de tous les perfectionnements de la technique. Appartement chauffé, voiture rapide, lumière électrique, un bon fauteuil au cinéma, et parfois ivre de joie et d'orgueil, exultant dans son être meurtri, il se sent devenir mystique et comprenant le poète, il s'écrie avec Claudel « Ma douleur, cela du moins est à moi », quoi qu'il serait plus juste de dire « ma douleur, cela du moins est moi ». Magnifique. Merci. Donc vous étiez exalté aussi après la course. Voilà. J'ai été rechercher chez Claudel les meilleurs mots que les miens pour le dire. Oui, il y a une exaltation, on cherche une exaltation. Il y a aussi beaucoup de moments où c'est pas très exaltant, où on marche, où c'est difficile, où on se demande si on va faire demi-tour. D'ailleurs, sachez-le, on fait quand même souvent demi-tour et il vaut mieux. Parce qu'un vieil alpiniste est un alpiniste qui a fait souvent demi-tour. Et puisqu'on parlait d'équilibre, l'équilibre entre continuer quand même, l'équilibre et faire demi-tour, cet équilibre-là est quand même à bien réfléchir. Et il y a quand même beaucoup de cas où le sang-froid prend le dessus. Parce que dans l'alpinisme, il y a certes l'exaltation, mais il y a une autre partie, je crois, très importante. C'est ce que j'appellerais l'intelligence pratique. Et c'est aussi quelque chose de merveilleux dans l'alpinisme, c'est que la qualité principale, finalement, c'est la débrouillardise. Il faut se débrouiller. C'est pas quelque chose qu'on fait... Il y a quelque chose qui demande, dirais-je, beaucoup d'autonomie, d'expression personnelle. Il faut trouver des moyens, voire des petits moyens. Finalement, c'est assez simple, mais il faut réussir à monter, il faut réussir à se protéger, et on n'a pas grand-chose. On a un bout de corde, des petits bouts de fer qu'on met dans la paroi. Et avec tout ça, il faut faire beaucoup. Et cette intelligence pratique, il y a aussi trouver le passage, hein, analyser ce qu'on appelle le topo, la carte. Cette intelligence pratique est très à l'œuvre dans l'alpinisme et c'est très gratifiant pour nous. De la faire rentrer en jeu. Et là, il faut avoir la tête froide. Donc l'exaltation, certes, mais il y a aussi beaucoup de raisons et de froides raisons pour parvenir et revenir. C'est la tête et les mains, on pourrait dire ? Plus que les jambes ? Si, c'est beaucoup les jambes. C'est assez peu les mains, finalement. Et même en escalade rocheuse, on grimpe d'abord sur les jambes. Sur les pieds. Pas on sur les genoux. Il faut grimper sur les pieds. Pas sur les genoux. Ah non, les genoux, c'est pas bon. C'est pas que ce soit interdit, mais quand on est sur le genou, on peut plus rien faire. Oui, il y a beaucoup de choses dans la tête. C'est la tête psychologique, d'abord, pourquoi y aller, comment y aller, et puis ensuite, les jambes. Donc, c'est en cela, sans doute, que je vous renvoie à la première question sur est-ce un sport? C'est un sport quand même très cérébral. Très cérébral. Alors, je l'ai dit en vous présentant, vous êtes alpiniste et chirurgienne, neurochirurgienne. Où est-ce que vous voyez une concordance ou déconcordance entre l'esprit de la chirurgie et l'esprit de l'alpinisme ? Ou l'esprit du chirurgien et l'esprit de l'alpiniste. En fait, la première concordance que je vois, c'est dans les personnalités qui probablement sont adaptées à ces activités. Non seulement adaptées, mais qui les recherchent volontairement. Parce que vous voyez que ce qui est étonnant dans l'alpinisme, c'est qu'on a dit et redit que c'est dur, c'est dangereux, c'est fatigant, c'est inconfortable, c'est stressant finalement. Or, non seulement le stress ne repousse pas les gens, mais les attire. Et donc il y a des personnalités qui sont attirées par le stress, par le goût du risque. Et je pense que la personnalité, ce goût du stress et du risque est quelque chose que partagent les alpinistes et les chirurgiens. Et que ce qui nous attire dans la chirurgie, c'est en grande partie le fait de vouloir effectivement s'engager, exactement comme on s'engage dans une course en montagne, contre une nature belle mais hostile, la nature intérieure du malade dans lequel nous allons mettre les mains et à mettre en parallèle avec la nature extérieure de la montagne. Muni de notre intelligence pratique, de quelques petits instruments techniques, mais finalement pas mal de débrouillardise. De même en chirurgie, bien sûr que c'est quelque chose, c'est pas seulement la débrouillardise, il y a une grande connaissance scientifique et technique, mais quand même il faut savoir faire preuve de décision rapidement. Ça ressemble à ça, à la Mais en même temps, les alpinistes, quand ça va à peu près bien, ont l'air d'être tout à fait calmes, de même que les chirurgiens dans des salles d'opération, ont l'air d'être tout à fait calmes. Ils peuvent s'entonner, ils sont... Donc c'est stressant, et en même temps, ce sont des gens qui résistent très très bien au stress. Voilà, d'abord, il y a des moments de détente, et puis il y a un stress volontaire, mais vous savez, pareil, les chirurgiens, souvent, ils cherchent un équilibre entre des interventions pour lesquelles ils ont beaucoup d'habitude, qu'ils font de manière presque automatique, et puis des interventions plus difficiles. On aime bien aussi le challenge qu'il y a dans des interventions un peu plus difficiles. Exactement comme les alpinistes cherchent un équilibre entre des courses trop faciles ou trop difficiles. Dans les deux cas, on prend un risque, c'est un jeu sérieux, un jeu dans lequel on côtoie les abîmes. D'ailleurs, j'avais noté quelques phrases de René Leruche. C'était un neurochirurgien des années 50 et il a écrit une philosophie de la chirurgie qui est un peu datée, mais qui a beaucoup de charme. Et si vous voulez, je peux vous donner une petite citation de Leruche. D'abord, ça va vous amuser parce qu'il avait un style un peu lyrique. En poulet. On peut le dire. Les vrais chirurgiens ont une âme spéciale, dotée du goût de l'action et d'une réelle attirance pour le risque. Le goût de l'action ne va pas sans une certaine passion, passion d'un jeu sévère, précis, qui côtoie les abîmes, qui exige un parfait contrôle de soi-même, du bon sens, de l'équilibre et le culte d'une efficience pratique. Il parle des chirurgiens, mais on pourrait penser qu'il parle des alpinistes. Vous voyez, on ne peut pas être chirurgien si on n'a pas, dans le sang, l'amour d'un jeu grave où la maîtrise du caractère doit sans cesse dominer le hasard hostile, où on ne réussit qu'en se donnant tout entier. Vous voyez les convergences et les concordances. Il y a une autre concordance, et peut-être qu'on en parlera plus longtemps après. C'est vraiment le rapport au monde. Vous voyez, donc il y a une psychologie particulière. Le désir de se confronter au risque et au stress, mais de réussir quand même. Ce n'est pas des activités de suicidaires. C'est pas la roulette russe. Le but, c'est quand même de réussir l'opération ou de réussir la course. Et de rentrer. Dans les deux cas, les choses ne sont pas... Même si on se confronte au hasard, on ne laisse absolument pas le dénouement de l'aventure au hasard. On prend tous les moyens pour que ça se passe bien. Et dans les deux cas, il y a un rapport, ce qui est aussi très important pour moi, il y a un rapport au monde réel. Je dirais un rapport charnel. Ce que je trouve merveilleux dans l'une ou l'autre de ces activités, c'est que ça se fait avec les mains, avec le corps. On a un rapport au monde, que ce soit encore une fois le monde extérieur ou le monde intérieur, qui est incarné charnel. C'est le contraire de ce qu'on fait quand on tripote un écran d'ordinateur par le biais d'une souris. C'est ce que disait aussi, à une époque où il n'y avait pas encore d'ordinateur, mais Ambroise Paré, un des pères de la chirurgie moderne, je crois, qui dit ceci, ce n'est rien de feuilleter les livres, de gazouiller, de caqueter en chair de la chirurgie, si la main ne met pas en usage ce que la raison ordonne. C'est mignon. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors, moi ce qui me fascine, c'est vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une sorte de parallèle entre l'histoire de l'alpinisme, les grandes conquêtes dans les Alpes, par exemple au XVIIIe siècle, le Mont Blanc en 1786, et puis le 19e qui est un siècle romantique, et puis la chirurgie elle-même. Comment est-ce qu'on a pu procéder de la chirurgie avec des scies, j'ai vu ça, sans anesthésie? Oui, ça paraît à peine croyable aujourd'hui, sans doute en mettant complètement à distance le malade en tant que personne. Il donc assommé. Personne souffrante, il devait être assez assommé quand même, je pense. Mais cette espèce de déconnexion, l'objectivation, hein, ça c'est un effort d'objectivation, mais qui se fait encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait l'effort d'objectivation grâce à l'anesthésiste et grâce au champ opératoire. Vous savez, les champs, ce sont ces draps qu'on met pour délimiter l'endroit où on va opérer, délimiter l'organe, et qui certes sépare l'endroit qui est stérile où on travaille et le reste qui n'est pas stérile, mais ça sert aussi symboliquement à séparer l'organe sur lequel on travaille, et qu'on travaille quand même de manière assez brutale, enfin rude. Il y a là aussi un côté quand même assez hostile, puisqu'on va porter le fer dans le corps et faire saigner. Eh bien, on va séparer l'organe sur lequel on exerce cette dureté de la personne qui est endormie au-delà. Car il n'est pas question d'avoir l'agressivité chirurgicale sur l'ensemble de la personne, ce serait insupportable. Donc autrefois, je ne sais pas comment on le faisait, ça paraît à peine croyable, mais aujourd'hui... Est-ce que nous pourrions supporter les opérations du passé? Probablement non. Quoique, si on était obligé, vous savez, ce qui est extraordinaire dans l'un et l'autre de ces activités, c'est que... L'homme est si lâche qu'il s'habitue à tout, disait Dostoïevski. En fait, on peut beaucoup plus que l'on n'imagine. Et c'est ça qu'on découvre quand on va en montagne ou au bloc opératoire. On découvre qu'on peut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'on ne croit. On va dire, oh, moi, je vais m'évanouir en voyant le sang. En fait, non. Peut-être qu'on s'évanouit la première fois qu'on rentre au bloc opératoire, mais rapidement, on est capable de voir le sang et de travailler dans le corps des autres. Et on peut beaucoup plus, on peut faire beaucoup plus. On a beaucoup plus de ressources qu'on ne le croit dans notre monde moderne. Et c'est une des choses très gratifiantes que l'on découvre en étant très heureux de le découvrir quand on va au bout de soi dans l'un ou l'autre d'une activité. Anne-Laure Bock, en préparant cette émission, je vous ai demandé de choisir un morceau de musique. Quel est votre choix ? Eh bien, j'ai choisi le duo d'Adam et Ève dans la création de Haydn, chanté par Gundula Janowicz et Fischer Dieskau. Et j'ai choisi parce que c'est magnifique et parce que c'est une musique très élégiaque, mais c'est une action de grâce. C'est une louange pour la beauté du monde. Et j'ai voulu dire que d'abord, ce qui nous pousse vers l'extérieur et ce qui nous pousse vers les autres, c'est l'admiration pour ce monde qui est très dur peut-être, mais aussi très très beau. Oh, Anne-Laure Bock, est-ce que vous êtes d'accord, pour reprendre le distinguo kantien tout à l'heure, qu'il s'agit d'un hymne sublime à la beauté ? Oui, c'est très bien dit, très incarné. Il y a la beauté de ces voix, qui sont des voix de personnes réelles. On sent qu'il y a une réalité derrière tout ça. On a l'impression qu'il marche en plus, il marche tout doucement et en s'émerveillant. Il grimpe sans doute. C'est pour ça, ils sont pas essoufflés. Alors, vous avez écrit un livre qui s'appelle Médecine technique, médecine tragique. Je crois que c'est votre thèse de philosophie. Exactement. C'est une association bizarre, technique tragique. Quel était votre message principal ? Au début, c'était pas seulement un message, c'est une analyse de la médecine moderne, la médecine que je pratique, la médecine donc technique ou plus exactement technoscientifique, une médecine fondée sur la science et de la technologie. Et ma thèse est que cette médecine entraîne des conflits de valeurs qu'on dit tragiques, c'est-à-dire elle apporte des choses merveilleuses, mais elle entraîne de très très gros problèmes. Et ces deux pans ne peuvent que rentrer en conflit et se détruisent de manière tragique. Le tragique étant une situation où on a deux valeurs, donc deux biens, qui sont incompatibles et qui vont se détruire mutuellement. Donc ma thèse était que le développement de la technologie et de la technique en médecine nous confronter à des choix tragiques, exactement comme dans la tragédie grecque ou classique. Hein. Antigone a raison, Créon a raison. Exactement, ou bien dans la tragédie classique, Racine, Corneille, là encore, alors, Rodrigue. Exemple, où est-ce que dans votre pratique de neurochirurgienne, vous rencontrez des conflits de ce genre ? Le premier grand conflit, c'est que c'est une médecine ça entraîne une déshumanisation de la médecine, en fait. C'est-à-dire que le recours de plus en plus souvent à des machines, à une vision objectivante de la personne, entraîne une déshumanisation et qui est vécue comme douloureuse, comme telle par le malade. Donc le patient bénéficie de cette objectivation, il se transforme en un objet de science ou de technoscience sur lequel on va réparer, vous avez dit tout à l'heure, pour la chirurgie, on va réparer, mais on répare en fait une machine. Donc vous voyez, il y a une façon de considérer le malade qui est très machinique. Or, en fait, être considéré comme une machine, ça n'est pas agréable et souhaitable. Et quand on est malade et gravement malade, quand la maladie notamment est pas seulement une parenthèse, et si on est réduit au rang d'organes à réparer ou de machines à réparer, il y a une souffrance morale. C'est par exemple un conflit tragique de cet ordre qu'on vit fréquemment. Alors tant que la médecine et la chirurgie sont une petite parenthèse dans la vie des gens, bon, ce n'est pas grave parce que les gens vont revenir à leur état de personne après le passage de la médecine. Mais dans le cas de maladies chroniques, où cet état se prolonge, ça peut être en fait très douloureux. Et c'est l'exemple même d'un conflit tragique. Il ne suffit pas de dire on va réhumaniser la médecine parce que si on a réduit les gens, on a une vision réductrice et objectivante des personnes, c'est justement pour pouvoir les soigner. Donc on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre en quelque sorte. C'est là qu'est le conflit tragique. Alors Paul Valéry, que vous lisez, je crois, a beaucoup écrit sur les chirurgiens, sur la main, sur l'intelligence. Et d'ailleurs, dans un article qui s'appelle « Propos sur l'intelligence », il annonce ce que vous décrivez là. Je le cite. « Si la médecine arrivait quelque jour à un degré de précision qui réduisit l'intervention du praticien à une série d'actes définis et bien ordonnés, le médecin deviendrait un agent impersonnel de la science de guérir. » Il perdrait tout ce charme qui tient à l'incertitude de son art et à ce qu'on suppose invinciblement qu'il y ajoute de magie individuelle. Il se rangerait tout auprès du pharmacien qui est placé un peu plus bas que lui jusqu'ici parce que ses opérations sont plus scientifiques et se font sur une balance. Fin de citation. Oui, moi c'est une belle citation, il a bien compris. Mais donc pour lui l'incertitude c'est ça qui fait la beauté du sport de la chirurgie, si on peut dire. Alors que vous dites qu'au contraire on essaie de réduire l'incertitude par tous les moyens. Une fois qu'on est engagé dans l'intervention, on essaie de réduire. Mais bizarrement on a choisi une discipline qui a une part d'incertitude et ensuite on essaie de la réduire pour exercer notre intelligence sur l'incertitude. Donc c'est certes assez ambivalent comme façon de se comporter. Mais bien sûr, on commence par prendre le risque et ensuite on essaie de le réduire. Encore une fois, la comparaison avec la montagne est assez pertinente. Donc à la fois, on aime se mettre dans la difficulté, mais bien sûr qu'on veut vaincre cette difficulté. Mais là encore, l'équilibre est difficile à trouver. Si tout devient trop machinique et automatique, le charme qu'il y avait à chercher de la difficulté et à la résoudre par soi-même, j'insiste sur le par soi-même, disparaît. Donc, J'ai parlé de la tragédie qu'il y avait pour le patient d'être vu de façon objectivante. Il n'est plus vraiment un sujet, donc il souffre de cette objectivation. Eh bien, il y a aussi une certaine tragédie chez le médecin à devenir de plus en plus un serviteur de la technique, un pur technicien, et à perdre une partie de son... sa personnalité de feu, cette espèce d'âme valeureuse, comme disait le... Mais alors que ça aussi, il l'avait vu venir, Paul Valéry. Je continue dans le même texte, il dit « Il existe des intellectuels qui sont fongibles et d'autres qui ne le sont pas. Ceux qui sont fongibles sont ceux qui sont déjà engagés dans la machine. » Donc est-ce que, d'après vous, les robots chirurgicaux vont vous rendre à terme fongibles ? Il y a déjà des opérations qui sont faites intégralement par des robots. Non, elles sont pas faites intégralement. Le robot n'est pas quelque chose qui est autonome. En fait, le robot c'est quelque chose piloté. Il est piloté. C'est quelque chose qui démultiplie le geste et qui est censé améliorer sa précision. Donc, il n'est en rien autonome. Il y a aucune autonomie. Ensuite, oui, on pourrait imaginer dans les rêves de certains transhumanistes que la machine fera toujours mieux que l'homme. J'ai l'air sceptique, surtout que je pense que ce qui est extraordinaire dans la décision humaine, c'est cette capacité à s'adapter, ce que les Grecs appelaient le kairos, l'occasion propice, la capacité à prendre des décisions finalement rapidement, en mettant en balance toutes sortes de faits, certains très délicats. Et ça, je pense qu'un robot aura bien du mal à le faire aussi astucieusement, aussi profondément, aussi généreusement qu'un homme le fait. Donc je pense que ce n'est pas pour demain qu'on va être mis sur le carreau. Mais en même temps, on a une certaine crainte vis-à-vis de ça. Alors là, ce serait la déshumanisation la plus complète qui soit de la chirurgie. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Vous parliez tout à l'heure de l'aspect, disons, sacré, presque religieux de la pratique de la montagne. Or, vous savez sûrement que Walter Bonatti, ce grand alpiniste italien des années 50 et 60, au moment de vaincre en solitaire le pilier sud-ouest du Dru, qui s'est effondré depuis. Et voilà, la voie Bonatti n'existe plus, elle est tombée à cause du réchauffement climatique. Il a fait 6 jours d'ascension, 6 jours et 6 nuits, et arrivant au refuge, il a dit ceci: je sais maintenant que j'ai franchi la barrière qui me séparait de mon âme. C'est une phrase un peu énigmatique, est-ce que vous la comprenez? Je ne suis pas sûre de la comprendre. Je la trouve très belle. Elle est belle, m'en dit, mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je pense qu'il a vraiment été très, très, très mal. Et il a dû se sentir complètement transformé par cette expérience. Il y a un grand alpiniste australien qui s'appelle Greg Child, qui a écrit un livre intitulé « Le théorème de la peur ». Et il dit que la fréquentation du vide peut provoquer des chaos spirituels. C'est peut-être de ça qu'il parle. Oui, c'est sans doute possible. Mais ensuite, l'homme a une grande capacité de résilience. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on est capable, après des expériences très traumatisantes, de s'en remettre. Et on donne l'impression d'être un peu comme avant et de repartir. Vous avez eu peur en montagne ? Oui. Souvent ? Mais pour des choses bien plus ridicules que ça, parce que j'ai jamais fait des courses aussi engagées et difficiles que celles-là. Et pourtant, on peut avoir très très peur, et parfois assez bêtement, simplement parce que le vide, l'horreur du vide, est quelque chose qui reste. D'ailleurs, on s'habitue bien à un seul vide quand on grimpe. Donc, dans une face, on est bien. Par contre, une arête, où on a 2 vides, un à droite, un à gauche, est plus difficile. Ça dépend pour qui ? Pour la plupart d'entre nous. Quand pour... il s'agit de se mettre debout sur une arête, oui. Avec 1000 mètres à gauche et 1000 mètres à droite. Oui, c'est plus difficile. Mais Blaise souvent, Pascal avait dit que c'était un effet de l'imagination. Exactement, mais l'imagination est importante. Et souvent, on essaie de se mettre juste un tout petit peu en dessous pour avoir comme un petit muret à notre droite, par exemple, et le vide simplement d'un côté. S'adapter psychologiquement à un seul côté est assez naturel. Et très vite, quand on grimpe, au bout de quelques minutes, on est adapté. Et souvent, par exemple, si on grimpe sur une face pendant des heures et des heures, au bout de plusieurs heures, on arrive sur l'arête et on découvre le vide de l'autre côté. Ça fait toujours une... grande décharge d'adrénaline. Mais quand on est dans la paroi et qu'on est bien assuré, au contraire, on peut avoir l'impression d'un confort total. Et il y a une jouissance qui vient du fait qu'on n'a pas peur. Oui, c'est surtout le même pas peur. On a peur et on n'a pas peur. Ou plutôt, on a peur, mais on est capable de vaincre sa peur. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à le faire quand même. Parce que si on n'a plus du tout peur, ça perd son intérêt. Donc on a quand même vaguement peur, mais ça va. Il y a aussi des montagnes dont la réputation fait qu'elles deviennent des sortes de personnifications géologiques de l'angoisse. On sait que, par exemple, le K2, ce point culminant du Pakistan, est une montagne qui a la réputation d'être très très difficile. Il y a des venteries qui peuvent naître en quelques secondes, emporter des cordées entières sur l'arête. Et puis là, il y a des statistiques d'accident, parce que en montagne, quand même, il y a le risque de l'accident. En montagne, en chirurgie, l'accident est au bout des crampons ou du bistouri. Donc on vit plus ou moins avec la conscience de l'accident. Quand on commence d'ailleurs, il y a toujours un guide pour vous dire si tu tombes, c'est la chute, si tu chutes, c'est la tombe. Voilà, c'est la blague. Est-ce qu'il y a l'équivalent pour la chirurgie que, quand vous faites votre première opération, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous dit une phrase de ce type-là? On ne fait pas de première opération en chirurgie parce que c'est très très progressif. On commence par aider pendant très longtemps. Donc il n'y a jamais de première opération. C'est petit à petit. D'abord, on commence simplement à tenir les écarteurs, on coupe les fils, et puis un jour, on ferme, c'est-à-dire qu'on va on va fermer la peau. C'est quand même pas très difficile de faire quelques points sur la peau. Et progressivement, on est avec un maître et on va faire de plus en plus. Donc c'est très progressif. Et je pense que c'est plus progressif que la montagne. Heureusement, on ne se lance pas en chirurgie. Et puis pendant longtemps aussi, on travaille dans une équipe. C'est-à-dire que les jeunes sont formés en milieu hospitalier universitaire où il y a des plus anciens qui peuvent toujours les aider. Donc ils ne sont pas beaucoup seuls. Alors, il y a la première fois où on est seul, ça c'est vrai. La première fois où on est seul ou la première fois où dans le service, on est le plus âgé dans le grade, où cette fois-ci, c'est nous qui allons être appelés s'il y a un problème par les jeunes qui sont là. Mais normalement, ça a été suffisamment progressif pour qu'on ne ressente quand même pas cette... Il y a quand même moins d'angoisse et de stress. Je pense qu'on maîtrise quand même plus qu'en montagne. Il y a un peu moins d'imprévus quand même. Quoique. il y a moins d'avalanches, de chutes de pierres, de crevasses qui souffrent pour les pas. Heureusement pour les patients quand même. Mais peut-être qu'il y a la chirurgie de guerre qui rapproche des conditions de l'alpinisme. Sans doute, mais alors moi je ne la pratique pas, mais c'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure de l'histoire. La chirurgie est née en grande partie, a progressé énormément pendant les guerres, que ce soit Ambroise Paré qui était le chirurgien de François Ier, et puis ensuite il y a les guerres d'Empire qui ont fait énormément progresser la chirurgie. Et effectivement, la chirurgie a été intimement liée à l'histoire de la guerre. La guerre de 14, les gueules cassées qui ont fait énormément progresser la chirurgie réparatrice, certainement. Anne-Laure Bock, puisqu'on parle de chirurgie et albinisme, on est obligé de parler, de revenir sur Louis Lachenal, que je citais dans mon préambule, le premier avec Herzog à avoir vaincu un 8000 en 1950, la Napurna. Il a perdu ses pieds, il a subi, je crois, 16 opérations en 5 ans. Le pauvre, il a été déjà pas mal amputé à la hussarde par Jacques Oudot, qui était le médecin et chirurgien de l'expédition. Et ça me touche particulièrement ce nom parce que mon premier semestre d'internat, quand j'ai commencé la neurochirurgie à la Pitié-Salpêtrière, j'ai été affectée dans la salle Jacques Oudot, qui portait le nom de ces chirurgiens. Ce n'est pas un neurochirurgien, mais il avait été à l'époque, la neurochirurgie faisait partie de la chirurgie générale. Et il avait donné le nom à cet endroit. Alors ça me voilà, c'est le nom de Jacques Oudot. Et lui, il a pratiqué lui sans anesthésie Herzog et Lachenal, un doigt après l'autre. Mais je crois que de toute façon, ce qu'il a coupé était déjà tellement pourri, malheureusement, qu'il devait plus sentir grand chose. Ça avait été tellement gelé et détruit qu'il coupait ce qui était déjà mort. Le surnom de Lachenal, c'était Biscante. Et Biscante, à qui voulait voir ses pieds en lambeaux, montrait ses orteils dans un bocal de formol. Et il dit, pour d'autres, vivre, c'est se pencher sur des livres, peindre ou donner des ordres. Cela peut se faire avec les pieds coupés ou avec les jambes coupées. Pour moi, vivre, c'était choisir une montagne, choisir son défaut et sentir les rugosités du granit sous la plante de mes pieds. Chaque phalange qu'on m'enlevait emportait un peu d'espoir. C'est terrible. Et vous voyez comme il insiste sur le rapport charnel, sensuel à la montagne. Et c'est vrai que c'est une chose magnifique de toucher, de mettre à main nue, parce qu'on grimpe à main nue. C'est vrai qu'en escalade de glace, on met des gants, mais quand même, il y a un rapport très très incarné. Il y a vraiment l'incarnation du monde quand on grimpe, avec un rapport sensible. On connaît la roche, non pas de façon scientifique, mais esthétique au sens sensible. Les petits défauts, on va tâtonner pour chercher un petit relief, une prise. Et la chirurgienne que vous êtes a le même rapport à ses mains lorsqu'elle opère ou lorsqu'elle grimpe ? En neurochirurgie, on ne met pas la main directement tellement sur le patient. Contrairement en chirurgie digestive, par exemple, où on palpe les organes, on travaille avec des instruments, à bout d'instruments. Mais quand même, il y a effectivement un rapport sensible. Et puis c'est quelque chose d'extrêmement... ce côté vivant, la chirurgie met les sens à l'honneur. Il faut regarder, bien être éclairé, effectivement palper avec l'instrument. Moi, par exemple, j'aime beaucoup commencer, j'aime inciser. Et je pense que j'aime inciser parce que j'aime la sensation du bistouri qui ouvre la peau. Et je pense que j'ai analysé ce goût du début de l'intervention. J'aime pas trop fermer, ça m'ennuie. Une fois que j'ai fini la fin du travail. Oui, une fois que j'ai fait le gros du travail, que j'ai fait la partie difficile, la fermeture n'est pas ce qui est plus gratifiant. C'est comme mettre les crampons dans le sac, c'est la fin de la partie intéressante. J'aime inciser et j'ai analysé. Vous voyez, la philosophie et la psychanalyse sont proches. J'ai analysé ce goût pour le début. Pour des raisons assez charnelles. J'aime le contact du bistouri qui ouvre délicatement la peau et fait perler le sang un petit peu. Et c'est très beau, c'est magnifique. Il faut pas prendre cet air dégoûté, c'est vraiment très beau. Il y a une beauté. Le sang et en plus la neurochirurgie est une chirurgie qui voit un organe qui est magnifique. Il y a une beauté de l'organe découvert par la trépanation, en l'occurrence, quand on ouvre le crâne, ça s'appelle une trépanation et on découvre des mondes tout à fait magnifique. Est-ce que tous les crânes que vous ouvrez sont également beaux? De temps en temps, vous dites, tiens, celui-là, il est super. Alors, c'est-à-dire que souvent, ils sont affectés d'une maladie quand même. Sinon, c'est grave. Et la maladie, elle n'est pas belle. Les tumeurs ne sont pas belles. Mais une fois qu'on a enlevé la tumeur et qu'on restaure une anatomie le plus proche possible de la normale, on retrouve souvent quelque chose de vraiment très beau. Alors, on va reprendre quelques éléments du discours de Paul Valéry sur la chirurgie. Il dit quelque part, la chirurgie se trouve classée bien plus dignement que bien des professions où les mains ne servent qu'à écrire. Là, il pense aux écrivains. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une hiérarchie entre médecins, chirurgiens, selon l'usage qu'on fait de ses mains? Les rapports entre les médecins et les chirurgiens sont assez conflictuels, à vrai dire. C'est dans cette espèce, dans ce domaine. Ça a toujours été vrai, dans un sens ou dans l'autre, oui, aujourd'hui? Ça a toujours été vrai. Déjà, historiquement, les médecins ont été terribles avec les chirurgiens qui considéraient comme des manuels, comme des officiers de santé. Des barbiers. Non. Les chirurgiens ont beaucoup souffert des médecins. Et puis, ils ont pris leur revanche, notamment au 19e siècle, après les guerres d'Empire, où il n'y avait pas encore. La chimie n'avait pas encore fait assez de progrès pour donner une pharmacopée efficace et la chirurgie était déjà très efficace. Donc il y a eu une espèce de renversement de hiérarchie. Ceux qui étaient en dessous, les chirurgiens, sont passés au-dessus parce qu'ils pouvaient faire quelque chose, eux. Et peut-être que cette hiérarchie est en train à nouveau de se renverser parce que dans notre monde qui aime tant la sécurité, qui a peur de l'agression, qui ne veut pas voir de sang, le chirurgien fait un peu horreur. Et le chirurgien aujourd'hui est considéré comme celui qui a une technique invasive. C'est invasive, ça veut dire en fait c'est méchant. Et donc le chirurgien qui avait eu son instant de gloire sans doute au 19e, au 20e siècle, je pense la première partie du 20e siècle ou juste après-guerre, la chirurgie est vraiment le summum de la médecine efficace, est sans doute en train de passer au deuxième plan devant la médecine qui essaie de le remplacer un peu partout. On essaie partout d'éviter la chirurgie vue comme trop agressive. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de conflits entre les uns et les autres. Mais est-ce que ça vous autoriserait à faire un parallèle avec l'alpinisme, selon qu'on aime des voies plus ou moins équipées, par exemple? Oui, planter des pitons, ça serait l'équivalent d'ouvrir un crâne. Voilà, et puis maintenant on en est à la via ferrata, c'est-à-dire qu'après avoir grimpé, on veut mettre des petits bouts de fer partout et ça, et une espèce de petite, faire un petit escalier dans la paroi. Ou de même, on va faire. Ça permet de s'accoutumer au vide, pour ceux qui ont le vertige. Prendre de risques. Voilà, mais sans prendre de risques. Il manque quand même le risque dans la via ferrata, ou quasiment. Alors que dans l'escalade, même si on essaie de réduire ce risque par tous les efforts d'assurance, il en reste quand même un petit peu. Il faut quand même, on dit, passer au-dessus du point. Vous savez, on grimpe en mettant des points dans la montagne, mais il y a un moment, il faut, le premier de cordée va grimper au-dessus. Donc s'il tombe, il tombera à la distance qui le sépare du point, multiplié par 2, plus l'élasticité de la corde. Ça peut faire pas mal. Il y en a un qui serait d'accord avec vous, ou plutôt vous êtes d'accord avec lui, c'est Antonin Artaud, qui a écrit un petit livre qui s'appelle « Le théâtre de la cruauté », où il dit ceci, « Le corps humain est une pile électrique chez qui on a châtré et refoulé les décharges, dont on a orienté les capacités et les accents, alors qu'il est fait justement pour absorber par ses déplacements photovoltaïques toutes les possibilités errantes de l'infini du vide. Faites danser enfin l'anatomie humaine de haut en bas et de bas en haut. » C'est pour vous, ça. Sur des loges du risque, de l'alpinisme. Du risque maîtrisé. Artaud était quand même schizophrène et du risque maîtrisé et de l'équilibre. Je redis quand même que l'éloge du risque ne va pas sans une maîtrise, un effort sur soi. Il y a quand même un grand effort sur soi dans ces deux disciplines. Et en chirurgie, l'effort sur soi est important. D'abord, l'apprentissage est long et il faut apprendre à utiliser toute cette technique, tout ce qu'on appelle les ancillaires. Vous savez, les ancillaires, c'est les instruments qui permettent d'aider. Mais ces ancillaires nécessitent une utilisation très particulière. Et donc la maîtrise de soi est très importante. Il suffit pas de trembler, il ne faut pas trembler ni au physique ni au moral. Donc ça se fait pas comme ça, on peut pas, c'est vraiment très différent quand même d'activités, j'ai cité la roulette russe ou des activités ou de saut à l'élastique ou c'est tout ou rien. Non, ce n'est vraiment pas ça et je veux quand même rassurer nos auditeurs, c'est pas parce que les chirurgiens flirtent avec le risque qu'ils ne prétendent pas maîtriser le risque. C'est pas uniquement pour avoir une grande décharge d'adrénaline et puis arrive ce que pourra. Ce n'est vraiment pas ça. La maîtrise de ces conditions est quand même la base de l'art, l'art de l'artisan, hein, c'est cet art de la main qui est dans la chirurgie, c'est d'abord un art de maîtrise et un art d'humilité. D'ailleurs, il y a des choses intéressantes sur la maîtrise des risques qui ont été faites en chirurgie, qui ont été faites dans montagne, notamment la maîtrise du risque dans les problèmes d'avalanche, notamment en ski de randonnée. Le ski de randonnée, c'est une discipline qui fait partie de l'alpinisme hivernal, et c'est menacé par les avalanches. Et on a bien beaucoup de réflexions sur la maîtrise du risque d'avalanche. Dans un premier temps, on a pensé qu'il fallait analyser de façon scientifique les conditions, ce qu'on appelle la nivologie, connaître la neige pour savoir quand ça va tomber. Et on s'est rendu compte que c'était pas très efficace finalement. Des gens très formés en nivologie avaient quand même des accidents d'avalanche. Et à ce moment-là, on a analysé davantage en termes psychologiques le risque d'avalanche, en montrant que le risque d'avalanche, l'accident, survenait très souvent quand il y avait des facteurs psychologiques qu'on a appelés les pièges de l'inconscient. Ces pièges de l'inconscient, l'habitude, la sensation de rareté, l'aura de l'expert, le désir de séduction, le positionnement social et l'obstination, eh bien vous pouvez les plaquer aussi sur la chirurgie. Un grand nombre des accidents d'alpinisme et des accidents de chirurgie, c'est aussi parce qu'on s'est laissé piéger par... on n'a plus gardé la tête froide et au lieu... On s'est laissé entraîner, en quelque sorte, par ces fameux pièges de l'inconscient. Et je pense que c'est intéressant d'utiliser ces schémas. On a développé des méthodes, par exemple la méthode dite 3x3 en ski de randonnée, pour réduire les risques en faisant retour sur soi-même régulièrement pour savoir où on en est vis-à-vis du risque. Est-ce qu'on va pas trop loin? Est-ce que c'est pas le moment de s'arrêter ou de faire autrement? C'est très important. Et il y a des psychologies très différentes chez les chirurgiens, comme on trouve un peu chez les alpinistes. Il y en a qui sont plus ou moins, disons, casse-cou que d'autres. Ou est-ce qu'il y a une sorte d'environnement qui fait que tout ça est canalisé et à peu près Il y a des psychologies différentes, mais l'environnement est là pour nous canaliser et ne pas nous permettre de trop déraper quand même. Ce qui fait qu'on est quand même très bien pris en charge par une corporation qui nous apprend. C'est long de devenir chirurgien, on n'est pas tout seul. Il y a toutes sortes de garde-fous, en quelque sorte. Donc même si... on recrute chez des gens qui ont un côté un peu tête brûlée. Je pense que la corporation a des bons mécanismes de garde-fous pour canaliser, utiliser le meilleur en quelque sorte de cette passion des gens, en évitant trop, en ne laissant pas complètement seuls, en les canalisant. Il faut canaliser cette énergie, la canaliser pour le meilleur en évitant le pire. Et je crois que l'institution fait assez bien ça quand même. Alors, Boc, on a beaucoup parlé, d'ailleurs, quand vous évoquez vos opérations, vous parlez beaucoup de réparations, il y a des tumeurs, il faut les enlever dans le crâne, etc. Mais par ailleurs, on entend beaucoup parler de, non pas de réparation, mais d'augmentation des performances d'implants qui seraient mis dans le cerveau pour doper les capacités cognitives et d'autres choses encore. Quel regard vous portez sur cette évolution annoncée de la chirurgie? Est-ce qu'elle est souhaitable? Est-ce qu'elle est d'abord véridique? Est-ce que c'est vraiment vers cela qu'on va ou... Et si oui, quel regard vous portez sur cette évolution? Un regard très critique. Selon moi, c'est en grande partie des effets d'annonce. D'une part, parce que c'est très difficile. Très très difficile de faire cela. Et surtout parce que ça sous-estime ce qu'on appelle les effets secondaires, qu'on connaît très très bien en médecine. Et le fait de rentrer dans le corps a des effets secondaires. Alors quand le corps est malade, on accepte ces effets secondaires. Ça s'appelle la balance bénéfice-risque. Il y a certes des risques, des inconvénients, mais il y a des bénéfices. Quand le corps est bien portant, la balance bénéfice-risque devient assez défavorable. Une simple chose, par exemple, le fait de mettre des implants, ça expose au risque d'infection. Tout implant fait courir un risque infectieux. Alors quand il s'agit de changer un organe défaillant, on accepte ce risque. Mais quand l'organe n'est pas défaillant, ça devient difficile. Deuxièmement, les implants donnent des organes qui sont quand même moins confortables que l'organe naturel. Par exemple, un implant très simple qui est la prothèse de hanche, c'est formidable quand vous avez la hanche complètement rongée par l'arthrose, mais ce n'est quand même pas aussi bien qu'une hanche normale, saine, d'une personne jeune. Donc la prothèse de hanche, bien sûr qu'il faut la développer pour des personnes malades, mais je ne vois pas qu'elle puisse rivaliser avec une hanche normale. Mais là, vos arguments sont presque médicaux. Est-ce qu'il y a des arguments éthiques? La personne est dans sa condition humaine telle qu'elle est. Il n'y a pas lieu que la médecine vienne sortir les humains de la condition humaine. De même que l'alpinisme, c'est la rencontre avec une nature brute, non artificialisée, et on doit l'accepter telle qu'elle et s'y confronter telle qu'elle est. Effectivement, je pense que ça dénature complètement la mission de la médecine, qui est de prendre soin d'une personne souffrante. Le prendre soin est complètement dénaturé, ce n'est plus de la médecine à ce moment-là. C'est autre chose, probablement, qui se rapproche davantage du marketing, et du marketing et du miroir aux alouettes, car on gagnera finalement pas grand-chose. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup à gagner, beaucoup à perdre, et surtout ça va augmenter une sorte de dépendance. C'est une façon d'augmenter la dépendance vis-à-vis des vendeurs de gadgets. On nous fera miroiter toujours plus d'augmentations, une vie impossible en l'absence de ces augmentations. C'est beaucoup du marketing et sans doute pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de bénéfices à attendre. Et en tout cas, ça n'augmentera certainement pas la liberté de la personne. Ça risque surtout d'aliéner la personne à celui qui vendra, qui entretiendra ses implants, celui qui changera la pile. Parce qu'une fois que vous avez un implant qui fonctionne avec une pile, vous êtes obligé de la changer et d'acheter une nouvelle batterie, si vous voulez. Ah oui, sans pile, on perd la face. Ça boucle avec l'alpinisme. Merci Anne-Laure Bock pour être venue nous parler de ce rapprochement assez improbable, mais finalement très intéressant, entre la chirurgie et l'alpinisme. Je recommande la lecture de votre livre « L'euphorie des cimes ». Peut-être qu'il y a aussi une euphorie des opérations, je ne sais pas. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp et à la réalisation Thomas Jost. Tout de suite, c'était dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.